Bonjour et bienvenue à cette émission qui vous parlera des littératures de l'imaginaire. Christian Martin au microphone. Au cours des dernières semaines, j'ai approché des amateurs de SF, fantastique et fantasy et leur ai posé trois questions. 1. Quel est votre roman de SF, fantastique ou fantasy préféré? Si vous avez un préféré pour chaque genre, libre à vous de détailler. 2. Pourquoi? 3. Pouvez-vous nous résumer l'histoire? Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part des réponses du sympathique Gabriel Jean de www.adaptationgj.net. Un roman de science-fiction, fantastique ou fantasy préféré. Au côté fantasy, c'est facile, la réponse me vient vite. C'est la série Belgariade de David Eddings. Dans ça, j'inclus les 5 livres de la Belgariade, les 5 livres du Malorion, le livre centré sur Belgarath le sorcier, et celui sur sa fille, Polgara la sorcière. Je ne sais plus trop si c'est ça en français, les titres, là, mais ces séries-là m'ont marqué parce que ça a été vraiment les premiers que j'ai lus là, qui étaient vraiment des romans là, de fantasy. Ils m'ont tout simplement charmé parce que les personnages sont faciles à s'associer. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont... Bon, je vous dirais peut-être qu'ils sont développés d'une certaine façon. Ils ont seulement une facette, mais elle est tellement bien exploitée que c'est difficile de pas s'attacher à ces personnages-là. C'est certain qu'ils prennent de la profondeur au cours des histoires puis tout ça. On couvre quand même là, leur vie pratiquement entière avec ces romans-là. Donc, on a le temps de s'attacher à eux, on les voit grandir, on les voit devenir plus complexes, mais au départ, c'est déjà quelque chose qui est accrochant en partant. Pour le résumé de l'histoire, eh bien, c'est dans le fond un petit garçon qui habite sur une ferme, qui est élevé dans l'innocence la plus parfaite. Puis, soudainement, sa vie est complètement virée à l'envers quand il doit partir en catimini de la ferme, parce que bon, il y a des gens qui lui en veulent, il se rend compte finalement que le monde est plus compliqué que ce qu'il pense. Il découvre qu'il y a des pouvoirs magiques. Puis bon, sa tante, c'est pas tout à fait sa tante. Son grand-père, bon, en tout cas, le monsieur qui vient raconter des histoires, c'est pas tout à fait le monsieur qui vient raconter des histoires. C'est son grand-père. Bon, puis finalement, il réussit au fil de l'histoire à comprendre vraiment qui est l'héritier d'une dynastie de rois qui est supposément éteinte, qui est le protecteur. Du monde entier, dans le fond, le gardien d'une orbe magique qu'un dieu déchu veut s'approprier. La fin des 5 premiers livres, c'est qu'il détruit ce dieu-là, finalement. En fait, c'est plus... il le tue pas vraiment, là. Il se trouve plutôt à mettre un terme à sa misère. Ensuite, le deuxième livre, son fils se fait kidnapper par les mêmes forces obscures qui s'occupaient de diriger la vie de ce dieu déchu-là. Donc, les 5 livres sont sur la poursuite du kidnappeur pour rattraper son fils et finalement mettre fin à tous ces à toute cette grande cette grande aventure-là. Ensuite, au niveau de Belgarath le sorcier, c'est une histoire qui commence vraiment au début des temps de ce planète-là, puis qui s'arrête un petit peu, en tout cas, je vous dirais là, au début des temps modernes, c'est-à-dire là, où est-ce que l'histoire devient un peu plus proche de ce qu'on connaît dans les 10 premiers livres. Puis la suite, Polgara la sorcière, continue cette histoire-là, va un petit peu plus en détail au niveau de sa vie à elle, qui est plus courte que celle de son père, bien entendu. Puis, bon, on se retrouve encore une fois au même point de départ, c'est-à-dire le début de l'histoire du héros dans les premiers livres. Donc, de lire le tout, ça donne vraiment une bonne... C'est une bonne histoire, dans le fond, qui se tient bien debout puis qui est complètement expliquée. De ce que je sache, il n'y a aucun terme qui se contredit ou quoi que ce soit. C'est vraiment bien monté en plus. C'est écrit de main de maître, comme on dit. Puis, je crois vraiment que c'est dans l'histoire de fantasy les plus solides que j'ai lues. Côté science-fiction fantastique, bon, il y a toujours des Star Wars, mais ça, il y en a tellement qu'à un moment donné, ça donne rien d'en parler. On sait que ça existe. Moi, ça me divertit toujours. Par contre, j'ai récemment commencé la lecture des Chroniques de Dresden. Qui est en fait, bon, il est rendu au 12e livre, l'auteur, il planifie d'en faire une vingtaine forte. C'est l'histoire d'un magicien dans l'état moderne, c'est-à-dire le premier livre se situe dans l'an 2000, puis il sort un livre à chaque année, donc il y a une aventure par année dans le fond, ou à peu près, là, des fois il y en a un peu plus. Puis bon, c'est ça, c'est un magicien dans nos jours modernes. C'est-à-dire, il habite dans un monde où personne croit à la magie, où tout ce côté mystique-là est comme il est présentement remplacé par la science. Sauf que malheureusement pour le restant du monde, toutes ces choses-là existent et agissent dans le secret et dans l'ombre. Donc lui, son travail, c'est de s'occuper quand il y a des meurtres perpétrés par des créatures mythiques ou des choses qui n'existent pas. Puis bon, juste trouver la solution, puis trouver un moyen de dire, ah ben finalement, c'était une explosion d'une vanne de gaz ou un problème, une aurore boréale ou des choses comme ça, des explications farfelues qui font que les gens se trouvent, bon, rassurés dans tout ça. Il se trouve ensuite à naviguer beaucoup dans les mondes, c'est-à-dire d'autres univers, donc il passe beaucoup de temps dans le monde des fées. Je sais pas si le tout a été traduit. Je sais que le premier roman existe. Il s'appelle Stormfront en anglais. En français, je sais pas trop comment il avait traduit le titre. Mais je crois qu'ils ont pas traduit le restant de la série encore. Ou si c'est le cas, ben, tant mieux. Écoutez, c'est quelque chose ça vaut vraiment le coup. C'est présenté à la première personne pour le narrateur et le personnage principal qui fait la narration est un être absolument tordant, c'est-à-dire il y a une telle désinvolture envers la vie et toutes les choses qui lui arrivent qu'à un moment donné, on peut pas faire autre chose que rire avec lui de qu'est-ce qui se passe parce que bon, c'est des choses qui rendraient n'importe qui fou dans le fond comme horreur, mais bon, au fil des ans, il a développé une certaine affinité avec ça, puis il réussit à vraiment bien s'en sortir. Pour compléter ce que nous dit Gabriel sur les Dresden Files, les dossiers Dresden, selon Wikipédia, les cinq premiers volumes sont disponibles en français sous les titres Dans l'œil du cyclone, Lune enragée, L'aube des spectres, Le chevalier de l'été et Masque mortuaire. Et voilà qui met fin à cette émission. Merci Gabriel d'y avoir participé. Et à vous, auditeurs, merci de votre attention. À bientôt.